بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc aujourd'hui, on va commencer par Kitab al-Tawhid. On verra si on fait que ça, ou ça dépend du cours, si est long. Donc l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, dit « باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. » Donc le chapitre d'aujourd'hui s'intitule « Celui qui obéit aux savants ou aux gouverneurs en interdisant ce qu'Allah a rendu licite ou en rendant licite ce qu'il a interdit, il les aura pris comme des dieux. » Arbaban, donc pluriel de Rabb. Il les aura pris comme des dieux, des divinités, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, on va lire un petit peu dans le charh, contrairement à ce que je fais d'habitude, parce qu'avec la fatigue du jeûne, j'ai peur de pas tout avoir à l'esprit quand j'explique. Donc on va lire un petit peu dans l'explication du Cheikh Abdelrahman Al-Qasim, rahimahullah ta'ala, donc qui est décédé en 1392, et qui était un des grands savants du Najd, et un des grands élèves de Mohammed ibn Ibrahim Al-Sheikh, rahimahumallah ta'ala. Donc il a fait une explication de Kitab al-Tawhid qui s'appelle Hashiyatu, Kitab al-Tawhid, c'est celle-là que je prends à chaque fois avec moi, mais aujourd'hui on va lire quelques passages. Donc le chapitre s'intitule « Celui donc qui va obéir à des savants ou à des gouverneurs ». Donc les savants, c'est-à-dire ceux qui parlent de la religion, et les gouverneurs, c'est ceux qui appliquent la loi. Celui qui leur obéit en interdisant ce qu'Allah a rendu licite ou en rendant licite ce qu'Allah a interdit, celui-là les aura pris comme des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en fait, le chapitre et le chapitre d'après, il parle du fait de juger avec autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus ou moins, c'est-à-dire ça tourne autour de ce thème. Donc le shir dit, rahimahullah ta'ala, dans l'explication, وإنما تجب طاعة الأحبار والرهبان إذا أمروا بطاعة الله فهي تبع لا استقلال وأما إذا أمروا بمعصية الله فلا سمع لهم ولا طاعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما هو معلوم بالضرورة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. Donc il dit, رحمه الله تعالى, الأحبار, c'est-à-dire les savants et les adorateurs, الزهاد, les ascètes, on leur doit obéissance quand eux-mêmes ordonnent l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'obéissance au gouverneur et l'obéissance au savant, elle suit l'obéissance d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'est pas indépendante. Donc on obéit à Allah de façon absolue, on obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon absolue, mais on n'obéit pas au savant ni au gouverneur de façon absolue. On leur obéit que quand ils ordonnent ce qui est conforme à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit ensuite, et s'ils ordonnent un péché, la désobéissance à Allah, alors on ne doit ni les écouter, ni leur obéir, car, ouvrez les guillemets, il n'y a pas d'obéissance à la créature en désobéissant au créateur, comme il est dit dans le hadith. Et il dit, ceci est connu de façon essentielle, donc c'est-à-dire c'est quelque chose de basique dans l'islam, et qui est connu à partir du Coran, de la sunna et de l'unanimité de la communauté. ولما كانت هذه الطاعة من أنواع العبادة بل هي العبادة فإنها طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسن رسله نبه المصنف بهذه الترجمة على وجوب اختصاص الرب تعالى بها وأنه لا يطاع سواه إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله. Il dit donc, puisque l'obéissance, الطاعة, ça fait partie des catégories d'adoration. Et ensuite il dit, et c'est même ça l'adoration en vérité, puisque l'adoration c'est obéir à Allah en faisant ce qu'il nous a ordonné par la bouche de ses messagers. Donc comme at-ta'a, l'obéissance, ça fait partie de l'adoration, ou même c'est l'adoration, eh bien l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab dans son livre Kitab al-Tawhid a voulu attirer notre attention dans ce chapitre sur le fait que cette obéissance ne doit être due qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'on ne doit pas obéir à autre qu'Allah Azza wa Jal, sauf si l'obéissance de cette créature entre elle-même sous l'obéissance d'Allah, c'est-à-dire suit l'obéissance à Allah. وَالْمَقْصُودُ هُنَا الطَّاعَةُ الْخَصَّةَ فِي تَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَتَحْلِيلِ الْحَرَامِ. Et ce qui est voulu ici, plus spécifiquement dans ce chapitre, c'est d'obéir dans le fait de rendre licite ce qui est illicite ou rendre illicite ce qui est licite. Donc le chapitre, il parle spécifiquement de l'obéissance dans cela. Donc il dit, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimallahu ta'ala, dans le chapitre, « Wa qala ibn Abbas, radiyallahu anhumah, yushiku an tanzila alaykum hijaratun minas sama' aqulu, qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, wa taquluna, qala Abu Bakrin wa Umar, radiyallahu anhumah. » Donc il a premièrement cité une parole de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhumah, qui a dit, « Je crains que des pierres ne tombent sur vous du ciel. » En fait, il a dit yushiku. Yushiku, c'est-à-dire yaqrub. Et des pierres vont bientôt vont tomber dessus du ciel. Car je vous dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous me répondez, Abu Bakr et Omar ont dit. Donc, dans l'explication, le cheikh rahimallahu ta'ala dit, donc avant de lire l'explication du cheikh, en quelles circonstances est-ce que Abdullah ibn Abbas a dit ça? C'est parce que il discutait avec des personnes au sujet du pèlerinage, al-hajj. Et on sait qu'al-hajj, il y a trois façons de le faire. Al-tamattu', al-qiran et al-ifrad. Et Abu Bakr et Omar considéraient que la meilleure façon de faire al-hajj, c'est al-ifrad. Qu'est-ce que ça veut dire al-ifrad? C'est-à-dire qu'on part de là où on est en faisant seulement le hajj, sans umrah. Alors que la meilleure des choses, comme le prouve la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est al-tamattu'. C'est-à-dire faire la umrah d'abord, ensuite se désacraliser et rester à Mecca, et les jours du Hajj on part faire le pèlerinage, on est déjà à Mecca. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que s'il avait vécu l'année d'après, il aurait fait le tamattu'. Donc Abdullah ibn Abbas lui connaissait ça. Donc il disait aux gens que le mieux c'était être tamattu'. Et les gens lui répondaient, Abu Bakr et Omar ont dit, le mieux c'est l'ifrad. Parce qu'Abu Bakr et Omar ne savaient pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que s'il vivait encore une année, il aurait aimé faire le tamattu'. Donc, lui avait comme argument le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et eux avaient comme argument la parole de, ou l'opinion d'Abu Bakr et de Omar. Donc, le cheikh dit, فَإِذَا كَانَ هَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْخَلِيفَتَيْنِ الرَّاشِدَيْنِ فَكَيْفَ بِمَنْ تَرَكَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِقَوْلِ مَنْ هُوَ دُونَهُمْ. Il dit, si ça c'est vrai pour la parole des deux califes bien guidés que sont Abu Bakr et Omar, alors qu'en est-il de celui qui délaisse la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la parole de quelqu'un qui est en dessous d'Abu Bakr et de Omar? Wa qala al-Shafi'i, ajma' al-ulama 'ala anna man istabanat lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lam yakun lahu an yada'aha liqawli ahadin. Et l'imam Shafi'i disait, tous les savants sont d'accord pour dire que celui à qui apparaît, c'est-à-dire celui qui prend connaissance de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui est interdit de la délaisser pour la parole de qui que ce soit. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de délaisser le hadith ou ce qui est dans le hadith pour suivre la parole de tel ou d'un tel. وَمَا زَلَ الْعُلَمَاءُ يَجْتَهِدُونَ فِي الْوَقَائِعِ لَكِنْ إِذَا اسْتَبَانَ لَهُمُ الدَّلِيلِ أَخَذُوا بِهِ وَتَرَكُوا اجْتِهَادَهُمْ. Et le cheikh Abdelrahman, rahimahullah, dit, Al-Qasim, il dit, et les savants de tout temps faisaient l'ijtihad, c'est-à-dire faisaient un effort de réflexion dans ce qu'on appelle al-waqa'i'. C'est quoi al-waqa'i'? C'est-à-dire les situations nouvelles. Donc de tout temps, les savants ont fait des efforts de réflexion pour trouver la solution ou le jugement religieux dans des situations nouvelles. Mais lorsque la preuve leur parvenait, ils suivaient la preuve. C'est-à-dire les savants font des efforts de réflexion, mais s'ils connaissent une preuve sur un sujet, ils suivent la preuve, ils délaissent l'effort de réflexion. وفي عصر الأئمة الأربعة إنما طلب الحديث وفي عصر الأئمة الأربعة إنما طلب الحديث ممن هو عنده باللقاء والسماع ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيدها وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها وناسخها ومنسوخها. Il dit le cheikh, à l'époque des quatre imams, donc à l'époque des premiers savants de la communauté, donc à l'époque des quatre imams, il fallait aller chercher le hadith. Donc le hadith, il fallait aller le récolter en rencontrant ceux qui le connaissaient et en les écoutant. Et donc l'homme devait à l'époque voyager pour connaître le hadith et pour, entre guillemets, enregistrer et noter et connaître et apprendre les hadiths. Et ça, il le faisait des années. C'est-à-dire qu'à l'époque des quatre imams, les quatre imams qui sont connus dans les quatre écoles et qui sont suivis dans les quatre écoles, à l'époque, il fallait voyager de longues années pour prendre connaissance des hadiths. Mais par la suite, les imams de l'islam se sont occupés, ont pris soin de d'écrire les livres. Et donc ils ont mis à l'écrit les hadiths, ils les ont mis à l'écrit et les ont transcrits avec leur chaîne de transmission. Ils ont distingué ce qui était sahih, hassan, c'est-à-dire ce qui était authentique, de ce qui était daif, donc ce qui n'était pas acceptable. Et ils ont montré également les hadiths qui étaient abrogeants et les hadiths qui étaient abrogés. Ensuite, il dit: « وَالْفُقَهَا أُصَنَّفُوا فِي كُلِّ مَذْهَبٍ وَذَكَرُوا حُجَجَ الْمُجْتَهِدِينَ فَسَهُلَ الْأَمْرُ عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ وَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ كُلُّ إِمَامٍ وَيَأْخُذَ مِنْ أَقْوَالِهِمْ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ إِذَا كَانَ لَهُ مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بِهَا. » Et de l'autre côté, les fuqaha, les savants du fiqh, eux ont bien transcrit les madhahib, c'est-à-dire les opinions, entre guillemets les écoles, des différents savants. Donc ils les ont mis dans des livres. Et ils ont cité dans les livres les paroles des différents mujtahidin, les différents savants, avec leurs preuves et leurs arguments, etc. Donc la situation, elle est devenue facile pour un talibain, pour celui qui veut étudier la religion, la situation, elle est facile. Il lui reste plus qu'à regarder ce que les grands imams, ils ont dit, les savants, ils ont dit, avec leurs preuves. Et ce qui est conforme au dalil, eh bien, il le prend, tout simplement. Et il dit ça, c'est s'il en a la capacité. Donc en fait, ce qu'il veut dire ici, le cheikh, c'est qu'à l'époque de l'imam Malik, Abu Hanifa, etc., rahimahumullah, les savants devaient voyager et devaient souffrir pour récolter les hadiths. Et chacun jugeait sur le hadith qu'il connaissait. Mais par la suite, les savants ont pris soin de mettre à l'écrit le hadith, de sorte à ce que maintenant c'est devenu dans les mains de tout le monde. Celui qui veut les hadiths, il a qu'à se procurer les livres. Et le fiqh, c'est la même chose. Les paroles des savants, tels que Malik, Shafi'i, Ahmed ou autres, ils ont été également mis à écrit avec leurs différentes preuves et leurs argumentations. Donc maintenant, tout est là. Celui qui veut connaître la vérité, il regarde les paroles des savants et il regarde leurs preuves. Et ce qui est conforme au hadith, il le prend sans s'attacher précisément à un imam. Ça, bien sûr, s'il en a la capacité. Il dit, comme a dit Ta'ala, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهِ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Et il dit, Allah a dit, donc ce qui est conforme au verset, qui dit, et si vous divergez dans quelque chose, alors renvoyez-le à Allah et à son messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَلَكٌ سَأَلَ أَعْلَمَ مَنْ يَجِدُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et si la personne n'en a pas la capacité, n'a pas la capacité de chercher lui-même le jugement, alors il demande à la personne la plus savante qu'il trouve. Donc on voit ici ce qu'on avait dit un peu le dimanche avec Bouzid, c'est-à-dire au sujet du taqlid. Celui qui a la capacité, il se doit de chercher dans les paroles des savants et les preuves, et celui qui n'en a pas la capacité, eh bien, il demande à la personne qu'il pense être la plus apte à lui répondre et à être suivi dans la question. Et ça, conformément au verset qui dit « Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. » Donc si on sait, si on peut, on renvoie ça à Allah, à son messager. Si on ne peut pas, on demande aux gens qui savent. « Wa fi kalam ibn Abbas, ma yadullu ala annahu, man balahu d-dalilu, falam ya'khudh bihi taqlidan li imamihi, fa innahu yajibu l'inkaru alayhi bit-taghlidh, li mukhalafati d-dalil. » Et la parole d'Ibn Abbas ici, elle montre que celui qui connaît le dalil, mais qui s'attache à la parole d'un imam et qui délaisse le dalil, il faut le réprimander durement, comme l'a fait ici Abdullah ibn Abbas. وَأَجْمَعَ الْأَئِمَّةُ عَلَى هَذَا وَأَنَّهُ لَا يَسُغُ التَّقْلِيدُ إِلَّا فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ الَّتِي قَدْ يَخْفَى دَلِيلُهَا فَهَذَا هُوَ الَّذِي عَنَاهُ الْعُلَمَاءُ بِقَوْلِهِمْ لَا إِنْكَارَ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ. Et tous les imams sont d'accord pour dire que le taqlid, l'imitation aveugle, elle n'est permise que dans les questions qui sont sujettes à l'ijtihad, à l'effort de réflexion, dans lesquelles les preuves peuvent être subtiles, peuvent être ambiguës. C'est-à-dire que tout le monde ne connaît pas forcément. Donc c'est ça que les savants visent quand ils disent « La inkara fi masa'il l'ijtihad ». C'est-à-dire on ne se blâme pas les uns les autres dans les questions d'ijtihad. C'est-à-dire les questions où la preuve n'est pas claire. Là, effectivement, les savants font leur ijtihad, et s'ils se contredisent les uns les autres, ils ne se blâment pas les uns les autres. Ce sera une divergence qui sera acceptée. وَأَمَّا مَنْ خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَيَجِبُ الرَّدُّ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ. Et par contre, celui qui contredit le Coran et la Sunna, alors il faut le rejeter sa parole, sans divergence entre les savants. وليس ما خالف الكتاب والسنة مذهبا لأحد من الأئمة وهم أجل من أن يقال ذلك في حقهم لتصريحهم بذلك ونهيهم عن تقليدهم إذا استبانت السنة. Et il dit, ce qui contredit le Coran et la Sunna, c'est le madhhab d'aucun imam. C'est-à-dire, en réalité, on ne peut pas l'assimiler à un imam. Parce que les imams, les savants de l'islam, ils sont au-delà d'adopter quelque chose qui est contraire au Coran et à la Sunna. Et eux-mêmes le disaient. C'est-à-dire que leur madhhab, c'est ce qui est conforme au Coran et à la Sunna. Et ils interdisaient qu'on les suive aveuglément quand la sunna elle apparaît à quelqu'un, quand il prend connaissance de la sunna. Ce qui veut dire ici, c'est que c'est comme quand l'imam Shafi'i disait par exemple que quand je dis quelque chose et que vous découvrez un hadith qui est contraire à ma parole, alors mon madhab après ma mort, c'est le hadith que vous connaîtrez. Ça veut dire que logiquement le madhab d'un imam, quand il contredit un hadith, on ne devrait même pas dire que c'est son madhab. En fait, c'est l'opinion qu'il a dite. Parce que c'est tout ce dont il avait connaissance. Il ne connaissait pas le hadith qui était dans la question. Donc ensuite, dans Kitab al-Tawhid, il dit, rahimahullah, « Wa qala al-imamu Ahmad, ajibtu li qawmin, arafu al-isnada wa sihata, yadhabuna ila ra'yi Sufyan. Wallahu ta'ala yaqul, falihzari alladhina yukhalifuna an amrihi, an tusibahum fitnatun, aw yusibahum azabun alim, atadri ma fitnatu, al-fitnatu shirk, لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. Ensuite, il a cité une parole de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, qui a dit, je m'étonne des gens qui connaissent la chaîne de transmission et son authenticité et qui adoptent l'opinion de Soufiane. Soufiane ici, c'est qui? Soufiane al-Thawri, rahimahullah ta'ala. C'est qui l'autre Soufiane? Soufiane ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala. Donc il dit l'imam Ahmed, je m'étonne de gens qui connaissent le hadith, qui connaissent la chaîne de transmission du hadith et qu'il est authentique, et ils le délaissent pour adopter la parole de Soufiane al-Thawri. Et il dit, alors qu'Allah Azza wa Jal dit, que craignent ceux qui divergent de son ordre, que ne les touche une fitna, c'est-à-dire un trouble, ou que ne les touche un châtiment douloureux. Ensuite il dit à son élève, après avoir lu le verset, est-ce que tu sais ce qu'est al-fitna? Al-fitna, c'est le shirk, car la personne, si elle délaisse une partie des paroles du prophète, nous craignons, c'est-à-dire la'allahu, c'est-à-dire que ça peut le mener à ce que une déviation naisse dans son cœur et qu'il court à sa perte, et qu'il périsse. Donc il dit, l'imam Ahmed ici, à partir du verset qui dit, que ceux qui divergent de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne craignent que ne les touche un châtiment douloureux ou une fitna. Et il dit, la fitna qui est voulue dans ce verset, c'est le shirk. C'est-à-dire, si une personne diverge de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça peut l'amener à la déviation dans son cœur et il périra. Donc, Abdurrahman ibn Qasim, rahimahullah, dit dans l'explication, فَقَوْلُ الْإِمَامِ أَحْمَدِ إِنْكَارٌ مِنْهُ لِذَلِكَ وَأَنَّهُ يَأُولُ إِلَى زَيْغِ الْقُلُوبِ أَلَّذِي يَكُونُ بِهِ الْمَرْءُ كَافِرًا. Donc, il dit, l'imam Ahmed a voulu ici blâmer cela, c'est-à-dire blâmer le fait de délaisser un hadith pour adopter l'opinion d'un savant, et que cette chose peut amener à la déviation des cœurs qui peut rendre l'homme mécréant. وَقَدْ عَمَّتِ الْبَلْوَى بِهَذَا الْمُنْكَرْ خُصُوصًا مِنْ مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَى الْعِلْمِ. Il dit, et ce malheur, il s'est répandu, et même de la part des gens qui s'assimilent à la science, c'est-à-dire des étudiants en sciences religieuses et des savants. نَصَبُ الْحَبَائِلَ فِي صَدِّ عَنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَقَوْلِهِمْ لَا يُسْتَدَلُّ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد والاجتهاد قد انقطع. Il dit donc qu'ils ont mis comme des règles pour barrer la route au Coran et à la Sunna et de puiser dans le Coran et à la Sunna. Ils disent par exemple, il n'y a que le mujtahid, c'est-à-dire le savant qui a atteint de pouvoir faire l'effort de réflexion et de retirer les ahkam directement des textes du Coran et de la Sunna, il n'y a que lui qui peut faire l'istidlal, c'est-à-dire qu'il peut prouver à partir du Coran et de la Sunna. Or, l'ijtihad, il est fini. Regardez le raisonnement. Ils disent, il n'y a qu'un mujtahid qui peut prendre du Coran et de la Sunna. Et en plus, à côté de ça, le mujtahid, il lui met des conditions. Comme les savants, ils disent, peut-être que même chez Abu Bakr et Omar, elles n'existaient pas ces conditions. Il faut qu'ils connaissent toute la langue arabe, il faut qu'ils connaissent tous les hadiths, il faut qu'ils connaissent toutes les chaînes de transmission, il faut, etc., etc. quelque chose qu'aucun être humain ne peut faire. Tout savant, il y a des choses qu'il va ignorer. Donc ils disent déjà, il n'y a que le mujtahid qui peut puiser du Coran et de la Sunna. Et ensuite ils disent, et l'ijtihad il est terminé. Il n'y a plus personne qui arrive à l'ijtihad. Donc, qu'est-ce que ça amène à la fin? Ben, c'est que chacun, il est obligé de prendre un mujtahid et de l'imiter dans tout. Et plus personne ne va lire dans le Coran ou lire dans les hadiths pour savoir ce qu'il doit faire. Il va simplement prendre par exemple ce qu'a dit Malik, ce qu'a dit Shafi'i, point. Et on ne va pas chercher ce qu'il y a dans le Coran et ce qu'il y a dans les hadiths. وَقَالُهُمْ أَلَّذِي قَلَّدْنَاهُ أَعْلَمُ مِنْكَ بِالْحَدِيثِ وَبِنَاسِخِهِ وَمَنْسُخِهِ. Ou alors ils disent, celui que nous imitons, c'est-à-dire notre imam que nous imitons, il connaît mieux que toi le hadith, et il connaît mieux que toi les hadiths abrogeants et abrogés. C'est-à-dire quand tu leur amènes un hadith sahih clair, qui est en contradiction avec l'opinion de leur imam, ils disent, oui mais notre imam il connaît mieux que toi le hadith. Par exemple, si tu dis à un maliki, enfin à certains malikites, c'est pas tous les malikites, que les hadiths ils sont clairs, dans le muwatta de l'imam malik lui-même, rahimallah, il y a le hadith qui dit qu'il faut mettre sa main droite sur sa main gauche quand on prie, quand on est debout en prière. Et certains malikites, ils défendent l'idée que le mieux, c'est de laisser tomber ses bras. Ben, quand tu débats avec ce genre de personne, il va te dire, l'imam Malik, il connaît mieux que toi le hadith, donc s'il dit ça, il sait mieux pourquoi. Et moi, je l'imite. Donc, ils suivent l'imam Malik et ils délaissent ce que l'imam Malik lui-même a rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك الكتاب والسنة والاعتماد على قول من لا يجوز عليه الخطأ على قول من يجوز عليه الخطأ ومعه بعض العلم لا كله. Et donc leurs paroles, ces différentes paroles qui disent, en fait, à quoi elles amènent? Elles amènent à délaisser le Coran et la Sunna et à se baser complètement sur les paroles des gens qui ne sont pas infaillibles et qui peuvent faire des erreurs et qui ont de la science mais qui n'ont pas toute la science. وَإِنْ ظَنُّوا أَنَّهُمْ اتَّبَعُوا الْأَئِمَّةِ فَإِنَّهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ قَدْ خَالَفُوهُمْ وَاتَّبَعُوا غَيْرَ سَبِيلَهُمْ. Et même s'ils pensent qu'ils ont suivi les imams, en réalité, ils les ont contredits. Et ils ont suivi un chemin autre que celui des imams. وَذَلِكَ إِنَّمَا نَشَأَ عَنِ الْإِعْرَاضِ عَنْ تَدَبُّرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِقْبَالِ عَنْ كُتُبِ مَنْ تَأَخَّرَ. Il dit, ça c'est né du fait de se détourner, de méditer le Coran et prendre connaissance du Coran et de la Sunna, et de ne se baser plus que sur les livres de ceux qui sont venus après, c'est-à-dire les savants des madhahib, etc. وَلِسْتِرْنَا إِبْيَا عَنِ الْوَحْيَيْنِ. Et de se contenter de ces livres-là, et de se passer du Coran et de la Sunna. وَالْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ إِذَا بَلَهُ الدَّلِيلِ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَيْهِ وَيَعْمَلَ بِهِ وَإِنْ خَالَفَهُ مَنْ خَالَفَهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ. Et toute personne mukallaf, c'est-à-dire responsable devant Allah, il lui est obligatoire de suivre le dalil. Même s'il doit contredire, qui il doit contredire? Quelle que soit la personne que ça contredit, si le dalil lui apparaît clairement, il doit suivre le dalil. Kama qala ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, wa la tattabi'u min dunihi awliya, qalilan ma tadhakkarun. Et comme Allah a dit, suivez ce qui vous a été descendu de votre Seigneur, et ne suivez pas en dehors de lui des alliés, mais vous vous rappelez peu. Donc j'essaie de passer un petit peu pour pas trop lire non plus, pour pas vous fatiguer. Ensuite, il a cité la parole de l'imam Malik, rahimahullah, qui disait « Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ». L'imam Malik, rahimahullah, disait « Toute personne, on prend de ses paroles et on en rejette, sauf le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ». Et l'imam Shafi'i disait, « إِذَا صَحَ الْحَدِيثِ بِمَا يُخَالِفُ قَوْلِي فَضْرِبُوا بِقَوْلِي الْحَائِطِ. » L'imam Shafi'i disait, « Quand le hadith est authentique et contredit ma parole, alors jetez ma parole contre le mur. » Et également, il faut savoir que ces imams, ils ne sont pas blâmés pour leurs paroles qui contredisent le Coran et la Sunna. Pourquoi? Parce que comme on a dit, ils ont fait un effort de connaissance et de réflexion, et ils ont jugé selon ce qu'ils connaissaient. Et à l'époque, comme on a dit, il fallait voyager pour connaître les hadiths. Donc il n'y avait pas de personne qui connaissait absolument tous les hadiths. Donc forcément, dans une question ou deux ou plusieurs, eh bien, il jugera selon ce qu'il connaissait, mais il existe un hadith qui ne lui est pas parvenu, qui montrait qu'il s'est trompé. Ensuite, il a rapporté, donc, ou plutôt on continue sur la parole de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, Donc quand il a lu le verset du Coran, et ensuite il l'a commenté, l'imam Ahmed, en parlant de Al-Fitna. Donc quand il a dit Al-Fitna c'est le shirk, et nous craignons que si la personne rejette les ordres du prophète, que la déviation naisse dans son cœur. Donc pour commenter ça, il dit ici أي لعل الإنسان الذي تصح عنده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رد بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك تنبيه منه رحمه الله أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. Donc il dit ici, l'imam Ahmed a voulu nous montrer que rejeter les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une cause de déviation des cœurs. Et c'est ça qui cause la perte de l'être humain ici-bas et dans l'au-delà. Comme Allah dit dans un verset, lorsqu'ils ont dévié, Allah a fait dévier leur cœur. Ensuite, il a cité un hadith. Donc il dit, « An Adi ibn Hatim, radiallahu anhu, selon Adi ibn Hatim. » Donc d'abord, comme on le fait d'habitude, on va lire qui est Adi ibn Hatim. Donc il dit dans la marge, هو الطائي المشهور بالسخاء والكرم. Donc Adi ibn Hatim الطائي. Donc il faisait partie de la tribu de Taï. Et il était connu pour sa grande générosité. Ibn Abdillah ibn Sa'd ibn al-Hashraj ibn Mri' al-Qais ibn Adi ibn Jarwal. Donc là il cite toute son ascendance. قدم عدي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 90 فأسلم وثبت في الردة. وحضر فتوح العراق وحروب علي وعاش 120 سنة ومات سنة 68. Donc il dit que Adi est venu se convertir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'an 9 de l'Hégire. Donc Adi il faisait partie des Arabes chrétiens, Adi ibn Hatim, et il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam se convertir en l'an 9 de l'Hégire, pendant le mois de Sha'ban. Il s'est converti et il est resté ferme sur l'islam même pendant le phénomène de l'apostasie à l'époque d'Abu Bakr radiallahu anhu. Également, il a participé aux conquêtes de l'Irak, donc au djihad en Irak, et aux guerres avec Ali, et il a vécu 120 ans, et il est mort à l'âge de 68 ans radiallahu anhu. Donc An Adi ibn Hatim radiallahu anhu annahu sami'a Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u hadhi al-aya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah والمسيح ابن مريم الآية فقلت إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم راه أحمد والترمذي وحسنه. Donc Adi raconte رضي الله عنه qu'il a entendu le prophète صلى الله عليه وسلم réciter le verset qui dit اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Donc le verset dit اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. Ils ont pris leurs savants, donc الأحبار c'est le pluriel de حبر, حبر ou bien حبر, on peut dire حبر ou on peut dire حبر, c'est le savant, donc c'est l'équivalent des rabbins, parce qu'ici ça parle des gens du livre. Et الرهبان وَرُهْبَانَهُمْ الرُهْبَان c'est le pluriel de rahib, c'est comme un moine, un ascète, c'est-à-dire celui qui se consacre à l'adoration. Donc Allah nous dit à propos des juifs et des chrétiens, ils ont pris leurs savants et leurs ascètes ou leurs adorateurs ou leurs moines comme des arbab, c'est-à-dire comme des dieux en dehors d'Allah, ainsi que le Messie fils de Mariam, alors qu'ils n'ont été ordonnés que d'adorer une seule divinité. Donc ici, Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset, à propos des juifs et des chrétiens, qu'ils ont pris leurs savants et leurs adorateurs, ainsi que Isa, et on verra la hikmah dans le fait que Isa est nommé après, comme des dieux en dehors d'Allah. Donc quand il a récité ce verset, Adi a dit, radiallahu anhu, nous ne les adorions pas. C'est-à-dire, il parle de lui avant qu'il se convertisse à l'islam, quand il était encore chrétien. Et il dit, nous ne les adorions pas. Donc là, il parle des savants et des adorateurs. Il ne parle pas de Isa, parce que Isa, c'est évident que les chrétiens l'adorent, et ils l'adoraient déjà à l'époque. Il parle de qui ici? Il parle des savants et des adorateurs. C'est-à-dire, quand il a entendu le verset, Adi n'a pas compris. Comment ça, on les adore? Il dit, et nous, on ne les adorait pas. C'est-à-dire, avant quand j'étais chrétien, on n'adorait pas les adorateurs ni les savants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, n'est-ce pas qu'il rendait interdit ce qu'Allah a rendu licite, et donc vous l'interdisiez, et il rendait licite ce qu'Allah a interdit, et donc vous le rendiez licite? Et il a dit oui. Il a dit oui, ça on le faisait. C'est-à-dire que les savants disaient ceci est halal, ceci est haram, même si c'était contraire à ce qu'Allah déclare halal et haram, et on les suivait, on disait ça c'est halal, c'est haram. Là il a accepté, il a dit oui, ça on le faisait, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fatilka ibadatuhum. C'est ça leur adoration que vous pratiquez. C'est-à-dire c'est comme ça que vous les avez adorés. Donc ça c'est rapporté par l'imam Ahmed, l'imam At-Tirmidhi, qui a dit que c'est un hadith hassan, de même que Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Donc dans l'explication, le Sheikh Abdurrahman Al-Qasim, rahimahullah ta'ala, dit « Qala Sheikh Al-Islam » Donc il cite une parole d'Ibn Taymiyyah. Il dit « Wa ha'oula alladhina attakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah » حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وعكسه يكونون على وجهين. Donc ici il cite une parole de Ibn Taymiyyah rahimahullah qui dit ceux qui ont obéi aux savants ou alors aux adorateurs en interdisant ce qu'Allah a rendu licite ou le contraire, ceux-là ils sont de deux sortes. C'est-à-dire il y a deux façons de le faire et il y a deux jugements différents pour ceux qui le font. Il dit أحدهما أنهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل اتباعا لرؤسائهم مع علمهم بأنهم خالفوا دين الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون. Donc la première sorte, c'est le fait qu'ils sachent, donc les adeptes de ces savants et de ces adorateurs, c'est qu'ils sachent que ces savants et ces adorateurs ont changé la religion d'Allah. Et eux, ils les suivent dans ce changement. Donc ils croient licite ce qu'Allah a interdit, et ils croient interdit ce qu'Allah a rendu licite. Et ce, en suivant leurs dirigeants. C'est-à-dire leurs dirigeants, leurs savants, ceux qui sont à leur tête. Ça, c'est du kufr. S'ils font ça, ils sortent de l'islam. Et Allah Azza wa Jalla l'a appelé shirk, même s'il ne se prosterne pas et s'il ne prie pas pour ces gens. C'est-à-dire que, on revient au hadith de Adi. Adi pensait que l'ibada, quand il a entendu le verset, lui il a pensé à quoi? Au fait de se prosterner, au fait d'invoquer, au fait de faire des sacrifices. Et il a dit ça, on ne le faisait pas pour eux. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a montré une autre sorte d'adoration qui est l'obéissance. Même si tu ne te prosternes pas pour la personne, tu n'égorges pas un coq pour elle, ou tu pries pas, tu la pries pas, mais tu l'auras pris pour une divinité et tu l'auras associé à Allah si tu l'auras mis à l'égal d'Allah dans At-Tashri'a, c'est-à-dire dans le fait de déclarer ce qui est légal, licite et ce qui est illicite. Celui qui fait ça avec quelqu'un, il l'aura mis à l'égal d'Allah subhanahu wa ta'ala et il sort de l'islam en faisant ça. Ensuite il dit Al-Thani أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. Ensuite il dit la deuxième sorte c'est qu'ils le fassent tout en croyant que ce qui est halal est halal et que ce qui est haram est haram. C'est-à-dire leur croyance sur le halal et le haram, il n'a pas changé. Mais ils leur obéissent dans le péché, comme tout pécheur peut dévier. C'est-à-dire, il dit ici, ils leur obéissent dans la désobéissance à Allah, comme le musulman le fait quand il fait un péché, tout en croyant bien que c'est un péché. Donc ceux-là sont comparables aux autres gens qui font les péchés. Donc là, ça sera juste un péché. Par exemple, un gouverneur lui ordonne de faire quelque chose qui est haram, et lui, il le fait. Il le fait par péché. C'est-à-dire parce qu'il y a un intérêt dedans, etc. Et donc, il le fait. Ou alors, un savant lui ordonne de faire quelque chose alors qu'il sait que c'est haram, mais par péché, et non pas parce qu'il croit que c'est haram, il va le suivre. Donc là, c'est simplement un péché. C'est comme quand l'être humain obéit à son âme qui lui ordonne de faire un péché. Donc là, c'est simplement un péché. Donc ça revient à la croyance. ثم اتباع هذا المحرم والمحلل إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. Il dit ensuite, celui-là qui a interdit la chose ou qui l'a rendu licite, si c'est un mujtahid, c'est-à-dire quelqu'un qui a la capacité de faire un effort de réflexion, et il voulait être conforme au prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la vérité lui a été cachée, c'est-à-dire il n'a pas réussi à trouver la vérité dans cette chose-là. Et il a craint Allah autant qu'il le pouvait pour trouver la vérité, celui-là, Allah ne le réprimandera pas pour sa faute. Pourquoi ? Parce qu'il a tout fait ce qui était en sa connaissance et en sa capacité pour trouver la vérité. Mais il ne l'a pas trouvé. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour les imams, par exemple. Donc celui-là, au contraire, il sera même récompensé pour son effort de réflexion. ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اتبعه على خطئه فله نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله. Il dit, mais celui qui va le suivre dans son erreur, alors qu'il sait que c'est contraire au prophète صلى الله عليه وسلم, celui-là il aura une part du shirk qu'Allah a blâmé dans ce verset. وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ. Par contre, si celui qui le suit ne peut pas connaître la vérité, c'est-à-dire il ne sait pas que cet imam il s'est trompé, lui il ne peut pas connaître la vérité de façon détaillée, et il a fait tout ce qu'il pouvait comme effort dans le taqlid, c'est-à-dire lui il ne peut que imiter quelqu'un, suivre un savant, et dans ce taqlid il a fait l'effort de suivre le meilleur, alors celui-là dans son erreur qu'il a suivi, il ne sera pas blâmé non plus, parce qu'il a fait tout ce qu'il pouvait. أما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن الحق معه فهذا من أهل الجاهلية. Par contre, si il imite une personne en dehors d'une autre qui lui est semblable, qui lui est aussi savante, juste par passion, et il se met à la défendre par sa main et par sa langue, sans savoir que la vérité est avec lui, ça c'est digne de la jahiliya. Il fait partie des gens de la jahiliya. C'est-à-dire, il dit, moi je vais suivre tel imam. Et après il le défend corps et âme, alors qu'il ne sait pas si la vérité elle est avec son imam ou avec l'autre. Celui-là c'est digne de la jahiliya. فَإِنْ كَانَ مَتْبُعُهُ مُصِيبًا كَانَ عَمَلُهُ صَالِحًا وَإِنْ كَانَ مَتْبُعُهُ مُخْطِئًا كَانَ آثِمًا كَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَإِنْ أَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Donc si celui qu'il suit en faisant ça a raison, si son imam a raison, donc son acte il va être valable. Et si son imam a tort, alors il aura commis un péché. Contrairement à qui ? C'est quoi la différence avec le cas d'avant ? C'est que le cas d'avant, même quand son imam a tort, il n'a pas de péché, il a raison. Parce qu'il a suivi cet imam, parce qu'il pensait vraiment que dans ça, c'est tout ce qu'il pouvait faire. Il avait raison. Alors que lui, non. Lui, il le suit bec et ongle et coûte que coûte. Donc quand son imam a raison, il aura raison. Et quand son imam aura tort, lui aussi, il aura un péché. C'est comme quand on dit, la Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit, c'est comme quand on dit, celui qui parle du Coran selon son opinion, c'est-à-dire qu'il interprète le Coran comme ça, selon ses idées, s'il a raison, il a tort. Et s'il a tort, il a tort. C'est-à-dire, dans les deux cas, il a tort. Même s'il trouve la bonne interprétation, eh ben il a tort quand même. Pourquoi ? À cause de la voie qu'il a empruntée pour interpréter le Coran. Parce qu'il n'a pas le droit d'interpréter le Coran comme ça, selon sa philosophie. Voilà pour ce chapitre. Donc, on passe au chapitre suivant. Donc, je pense qu'on fera que Kitabu Tawhid. Si on finit le chapitre suivant, on fera que Kitabu Tawhid. Babu qawlillahi ta'ala. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. Donc ici il a mis un chapitre comme on l'avait vu plusieurs fois, un chapitre dont le titre c'est un verset du Coran. C'est-à-dire, il dit chapitre de la parole d'Allah. Et qui est un verset dans la sourate An-Nisa. Donc, ce chapitre, il ressemble à celui d'avant. Il parle du fait de chercher le jugement d'autres qu'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc bien sûr, tout ce qu'on va citer dans le cours, c'est la théorie, c'est-à-dire c'est le jugement général. Parce qu'on va dire à chaque fois, celui qui fait ça c'est de la mécréance, celui qui fait ça c'est de la mécréance, ça c'est le jugement général. Après, pour l'appliquer à des individus, ça demande, ça c'est autre chose. Nous, dans le cours, on parle de la théorie, c'est-à-dire le jugement général. Celui qui fait ça est un mécréant, celui qui fait ça est un mouchrik. Donc le verset du Coran dit, « N'as-tu pas vu ceux qui prétendent qu'ils ont cru à ce qui t'a été descendu et à ce qui a été descendu à ceux d'avant toi et qui veulent chercher le jugement du Tarout alors qu'ils ont été ordonnés de mécroire en lui et le diable veut les égarer d'un égarement lointain. Et lorsqu'on leur dit, venez au jugement à ce qu'Allah a descendu et au messager d'Allah, tu vois les hypocrites se détourner de toi. » Donc voilà le verset. On répète, « N'as-tu pas vu ceux qui prétendent qu'ils ont cru sur ce qui t'a été descendu » C'est-à-dire, « N'as-tu pas vu, ô Muhammad, ces gens qui disent qu'ils croient en toi et à ce qui a été descendu avant toi, mais qui cherchent le jugement du Tarout, alors qu'Allah leur a ordonné de mécroire au Tarout, et le diable ne veut que les égarer d'un égarement lointain. » Donc là, on va parler de « Al-Hukmu bi-ghayri ma anzalallah ». Donc avant de rentrer dans le chapitre, je vais vous citer, parce qu'avant que je l'oublie, parce que j'ai préparé ça avant le cours, avant que je l'oublie, l'explication sur Al-Hukm bi-ghayri ma anzalallah de Salih Al-Sheikh. Salih Al-Sheikh, vous connaissez, hein, c'est le ministre des Affaires religieuses en Arabie Saoudite, mais avant tout, c'est un grand savant. Et il a expliqué cette question dans Kitab al-Tawhid dans ce chapitre. Donc il a dit, la question du fait de juger par autre que la loi d'Allah, elle est détaillée. En vérité, elle a plusieurs. Plusieurs soirs, c'est-à-dire plusieurs cas de figure, voilà. C'est plusieurs cas de figure. Donc on va citer trois cas de figure ici. Et il y en a un quatrième, celui qui veut l'écouter, il peut écouter dans son cours, mais je ne vais pas le citer ici pour ne pas faire de fitna, parce que ça parle d'une daoula, etc., etc. Donc celui qui veut, de toute façon, le cours, il est sur Internet, ils l'ont même traduit en français, de toute façon. Le premier cas, dans le jugement, par autre que la loi d'Allah, c'est ce qu'on appelle at-tashri', c'est-à-dire faire et instaurer des lois. On peut appeler ça aussi at-taqnin, c'est-à-dire instaurer un qanoun. Et le qanoun, qu'est-ce que ça veut dire? Qanoun, c'est une constitution, un code. Donc une loi avec laquelle on va juger. Donc celui qui met en place un qanoun, autre que le Coran et la Sunna, autre que l'islam, et il met en place un code, une constitution, qui est destiné à être appliqué entre les gens et à juger entre les gens sur leurs différentes affaires, le commerce, le mariage, etc., etc., celui, et qui appelle à ça et qui le met en place, celui-là, c'est un mécréant, même s'il prétend être musulman. Ce cas de figure, il n'y a pas de divergence. D'accord ? Ce cas de figure-là, il n'y a pas de divergence dessus. Donc ça, c'est quoi ? Tashri'a. C'est-à-dire, lui, il instaure des lois. Pourquoi c'est un mécréant ? Parce que le fait d'instaurer des lois, de dire ceci est licite et ceci est illicite, c'est le droit d'Allah exclusif, subhanahu wa ta'ala. Donc lui, c'est comme s'il s'est mis à la place d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il y a beaucoup de versets du Coran, hein. « Inil hukmu illa lillah », le jugement n'appartient qu'à Allah, « Waman ahsanu min Allahi hukman », qui est meilleur qu'Allah dans son jugement, etc., etc. Il y a énormément de versets du Coran qui montrent ça. Donc celui, ça c'est le premier cas, « at-tashri'a ». Celui qui vient inventer et instaurer une constitution ou un code autre que l'islam pour juger entre les gens. Celui-là, c'est un tarout et c'est un kafir. Il n'y a pas de divergence sur ce cas. Le deuxième cas, c'est al-hukm. C'est-à-dire celui qui va juger avec autre que la loi d'Allah. Donc lui, il n'a pas inventé ce code ni cette constitution et il ne l'a pas instauré. Mais il va juger avec autre que la loi d'Allah. Celui-là, il y a deux cas. Le premier cas, c'est celui d'un juge qui juge avec la loi d'Allah. Quand on dit qu'il juge avec la loi d'Allah, c'est-à-dire que ce à quoi il se réfère quand il juge, c'est l'islam. Donc habituellement, son jugement, c'est l'islam. Et ce à quoi il se réfère, c'est l'islam. Mais dans une question, dans une affaire, ou deux, ou trois, ou plusieurs, il va juger avec quelque chose qui contredit l'islam. Soit parce qu'on lui a donné un pot de vin, soit pour un intérêt, soit parce qu'il a de la haine contre la personne, l'accusé, donc il veut le condamner, etc. Soit parce que c'est son cousin, il va le défendre, etc., etc. Donc là, il va, le jugement qu'il va prononcer, il ne va pas être conforme à ce qu'il devrait dire s'il suivait l'islam. Donc il va le faire dans des questions, des affaires. Celui-là, c'est, tant qu'il ne considère pas ça comme étant halal, comme étant licite, et tant qu'il sait que ce qu'il fait c'est un péché, et qu'il le sait au fond de lui que ce qu'il fait c'est haram, celui-là c'est kufrun duna kufr. C'est-à-dire c'est de la mécréance mineure. Et c'est sur ça qu'il faut appliquer la parole d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, quand il a expliqué le verset, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et ceux qui ne jugent pas avec la loi, avec ce qu'Allah a descendu, ceux-là sont des mécréants. Ibn Abbas a dit, لَيْسَ مَا تَذْهَبُونَ إِلَيْهِ. Ce n'est pas ce que vous avez compris. هُوَ كُفْرٌ دُنَا كُفْرٌ. C'est la mécréance en dessous de la mécréance. C'est-à-dire la mécréance mineure, pas la mécréance qui fait sortir de l'islam. Ça, c'est dans ce cas-là. Donc quand vous lisez des paroles de savants qui disent juger avec autre que la loi d'Allah, c'est de la mécréance que s'il considère ça licite. Et s'il ne considère pas ça licite, c'est de la mécréance mineure. C'est dans ce cas-là. C'est-à-dire, par exemple, un juge dans un tribunal islamique, il juge toujours avec la charia. Et son code, il n'a pas de code. Son code, c'est la charia. Mais dans une affaire, comme la personne, c'est son cousin, il ne va pas appliquer la charia. Il va défendre son cousin, alors que normalement, il aurait dû le condamner. Ou parce que quelqu'un va lui donner un pot de vin, eh bien, il va le défendre, alors que normalement, il aurait dû le condamner. Donc là, on dit, يَحْكُمْ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ. Il juge, c'est-à-dire qu'il applique autre que ce que la charia impliquait. Celui-là, c'est كُفْرٌ دُونَ كُفْرٌ. Ça, c'est le premier cas dans le deuxième cas. On est toujours dans le deuxième cas. Le premier cas, c'était quoi ? Celui qui instaure une loi autre que l'islam. Celui-là, on a dit, il est kafir, il n'y a pas de détail dedans. Le deuxième, c'est celui qui juge avec autre que la loi d'Allah. Si d'habitude il juge avec la loi d'Allah, et dans quelques affaires, pour une passion ou pour d'injustice, etc., il juge avec autre que la loi d'Allah, c'est kufrun duna kufr. Par contre, si il juge de façon générale, avec autre que la loi d'Allah, c'est-à-dire ce que la personne du premier cas a instauré, comme les constitutions occidentales, etc. Donc il ne juge pas avec la charia de l'islam. Et il dirige de façon globale avec ça. Ça, les savants ont dit deux opinions différentes. Il y a certains savants qui appliquent même à lui kufrun duna kufr. C'est-à-dire, ils disent, celui-là, tant qu'il ne dit pas ouvertement que ce qu'il fait c'est licite, ou que c'est mieux que l'islam, ou que c'est égal à l'islam, ou que c'est plus apte à être appliqué à notre époque, eh bien, c'est un musulman. Et c'est du kufrun duna kufr. Et beaucoup d'autres savants disent que celui-là, c'est du kufr mutlaqan. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est du grand kufr dans tous les cas. Qu'ils disent que c'est licite ou qu'ils disent que c'est pas licite, même s'il dit rien, c'est un mécréant. Il sort de l'islam. Et ça, c'est l'opinion de, par exemple, Mohamed ibn Ibrahim al-Sheikh, l'imam Mohamed ibn Ibrahim al-Sheikh, qui était le mufti avant Ibn Baz, qui est le grand-père de Salih al-Sheikh, dont je vous dis l'explication maintenant. Et Salih al-Sheikh dit, c'est ça la vie prédominant, la vie le plus fort. C'est également l'avis de Ibn Kathir, rahimahullah. C'est également l'avis de Mohamed Al-Amin Ash-Shinqiti, rahimahullah, de Ahmed Shakir, rahimahullah. C'est l'avis d'Ibn Taymiyyah, puisqu'Ibn Taymiyyah, ça c'est une parenthèse que je fais quand je cite tous ces savants, c'est pas dans l'explication de Salih al-Sheikh. C'est également l'avis d'Ibn Taymiyyah, parce qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, quand les Tatars qui étaient venus envahir les pays musulmans se sont convertis à l'islam, ils continuaient de juger avec le code de Genghis Khan. Donc Genghis Khan, c'est l'ancêtre des Tatars qui sont venus envahir les pays musulmans. Et lui, il n'était pas musulman. Et il avait un code que lui-même avait écrit pour juger entre les gens. Et ceux de sa descendance qui se sont convertis, quand ils gouvernaient, ils continuaient à juger avec ce code. Et c'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah a dit, même s'ils portaient le Coran sur leur tête, je leur ferai la guerre pour ça. C'est-à-dire, il les a déclarés mécréants pour ça. Donc ça, c'est l'avis le plus fort. C'est-à-dire que ça, c'est un kafir mutlaqan. Pourquoi ? Dans le verset qu'on a vu tout à l'heure, quand Allah Azzawajal dit, ils veulent chercher le jugement de qui ? Du tarout. Donc c'est qui le tarout ici ? C'est celui qui juge avec autre que les lois d'Allah. Et ça, ça existait bien sûr à l'époque. de la Jahiliya, ils avaient des devins ou des personnes qui jugeaient avec leurs traditions. Ils avaient des codes tribaux et des traditions tribales avec lesquelles ils jugeaient entre les gens. Et même à l'époque de Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, l'auteur de Kitab al-Tawhid, c'était revenu. Les différents gouverneurs de la péninsule arabique, au lieu de juger avec le Coran, ils jugeaient avec ce qu'on appelait Sawalif al-Badia, c'est-à-dire les traditions bédouines. Et ils délaissaient le Coran pour ce qui était entre les gens. Et quand ils devaient juger des affaires de meurtre, etc., etc., eh bien, ils jugeaient avec leurs traditions bédouines. Donc ça, c'est le deuxième cas. Et dans le deuxième cas, il y a deux cas. Et ce, de toute façon, selon un avis, les deux cas, c'est le même. C'est différent. Celui qui juge avec la loi d'Allah, mais dans des affaires pour la passion ou pour un intérêt, il va juger avec autre que la loi d'Allah, ça c'est la mécréance mineure, tant qu'il ne trouve pas ça licite. Mais celui qui va juger de façon globale et gouverner de façon globale avec autre que la loi d'Allah, celui-là c'est un kafir de façon absolue. Et certains savants ont dit que même lui, c'est du kufr d'una kufr tant qu'il ne dit pas que c'est licite ou que c'est mieux que la loi d'Allah ou aussi bien que la loi d'Allah ou plus apte à être appliqué que la loi d'Allah. Et le troisième, c'est al-tahakum. Donc on a al-tashri', al-hukm et al-tahakum. Al-tahakum, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qui est cité dans ce verset. C'est le fait, donc c'est la personne qui n'est pas gouverneur, mais il va chercher le jugement de cette personne. C'est-à-dire, pour être jugé dans une affaire, il va aller consulter le tarout qui juge avec autre que la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, on appelle ça tahakum. C'est ce qui est cité dans ce verset. Celui-là également, c'est du kufr akbar. À condition, comme il est bien dit dans le verset. Et on voit la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle est précise. Allah a dit, yuriduna an yatahakamu ila ta'ud. Allah a dit, ils veulent chercher le jugement du ta'ud. C'est-à-dire qu'il le veut. S'il le veut, et délibérément, il se rend au ta'ud pour qu'il le juge, et pour chercher son jugement, alors également il sort de l'islam et il est concerné par ce verset. C'est-à-dire que délibérément, il n'y a rien qui le contraint, et il le veut, et il va chercher le jugement du tarout, et le décret du tarout, donc celui-là également, il est concerné par le verset, et il sort de l'islam. Pourquoi il sort de l'islam? Comme Allah a dit, alors qu'ils ont été ordonnés de mécroire au tarout. Donc il fait partie, la première condition de la foi, c'est quoi? C'est ce qui est cité dans la sourate Al-Baqarah. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّارُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Celui qui mécroit au tarout et qui croit en Allah. Donc pour que la foi d'un musulman elle soit valable, il faut qu'il mécroit au tarout. Celui-là, il n'a pas mécru au tarout, puisqu'il va vers lui pour chercher son jugement. Par contre, s'il fait le tahakum, il va chercher le jugement du tarout, parce qu'il est contraint, parce qu'il n'y a rien d'autre, et on le pousse à, c'est-à-dire on le met dans un jugement, on le convoque, etc., là, lui, il est kari, il déteste ça. Ou alors, parce que il n'y a que le jugement du tarout là où il vit, et que dans son affaire, il sait qu'il est en droit dans l'islam. C'est-à-dire, il sait que dans cette affaire, s'il va chez le tarout va lui donner son haq, comme la charia lui aurait donné son haq. Donc là, il va aller chez le tarout dans un jugement qui est conforme à la loi de l'islam. Par exemple, quelqu'un qui s'est fait voler quelque chose. Donc celui qui s'est fait voler, c'est son droit de récupérer ce qu'il s'est fait voler. Ça, c'est conforme à la charia. Mais où il vit, il n'y a pas de charia. Donc il va aller au tribunal des mécréants pour réclamer son droit. Comme il n'y a que ça et il y est contraint, il n'est pas concerné par le verset. Parce que le verset dit, ils veulent chercher le jugement du tarot. Lui, il ne veut pas. Il est contraint, il n'a pas d'autre choix. Et certains savants disent, même dans ce cas, il délaisse son droit. Et il l'espère auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas chercher le jugement du ta'ud. Et il y a un quatrième détail, c'est sur Ad-Dawla. Le quatrième cas, c'est sur le jugement de l'État, le gouvernement, qui ne juge pas avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, pour ne pas faire de fitna, celui qui veut, je laisse, il écoute directement dans l'audio. Donc tout ce que je viens de vous dire, ça c'est retenu de Salih al-Shir, hafidhahullah ta'ala. Donc le quatrième point, il est dans son livre, et son livre, il est traduit en français. Donc maintenant, on va lire l'explication qui est ici, dans le livre. Ou alors, également, avant de lire même le chapitre, puisque de toute façon, on ne fera que Kitab al-Tawhid, donc vous êtes tous prêts à faire une heure et demie. On fait une heure et demie. C'est bon ? pas d'objection. On va lire ce qu'il dit, Cheikh Saleh Al-Fawzan également, parce que cette question de juger par autre que la loi d'Allah, elle est importante. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ils confondent cette question, et ils font de tous les cas le même cas. Ils font de tous les cas qu'on vient de citer un seul cas. Et ils disent à chaque fois, c'est si ils considèrent ça licite qu'ils sortent de l'islam. Et ils mélangent les différents cas. Donc le cheikh dit, cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, dans son livre Aqidatu Tawhid. Donc il a un livre qui s'appelle Aqidatu Tawhid, donc qui ressemble dans le contenu à ce qu'il y a dans Kitab Tawhid. Et le cheikh donc parle de ce qui contredit le Tawhid. Donc il dit Al-Faslu Sadis, le sixième chapitre, Al-Hukmu Bighayri Ma Anzalallah, le fait de juger par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a cinq pages, on va les lire inshallah. Il dit min muqtada al-iman billahi ta'ala wa ibadatihi al-khudu' li hukmihi war-ridha bi shar'ihi war-ruju' ila kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam 'inda al-ikhtilaf fi al-aqwal wa fi al-aqa'id wa fi al-khusumat wa fi al-dima' wa al-amwal wa sa'ir al-huquq. Il dit donc il fait partie des conséquences de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et de son adoration le fait de se soumettre à son hukm, c'est-à-dire à son jugement, de s'y soumettre et d'accepter sa loi, et de revenir au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on diverge dans les paroles, dans les croyances, dans les divergences entre les gens, dans le sang, c'est-à-dire les affaires de meurtre, etc., et dans les biens, et dans tous les droits et devoirs. C'est-à-dire, il est un devoir, et c'est normal quand on dit « La ilaha illallah », ça fait partie du tawhid, de revenir au jugement d'Allah dans tout. Dans la croyance, mais aussi dans les affaires entre les gens. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَيَجِبُ عَلَى الْحُكَّامِ أَنْ يَحْكُمُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ. Donc Allah, c'est lui, Al-Hakam. Ça fait partie des noms d'Allah, le juge. Et c'est à lui que revient le jugement. Et donc, il est obligatoire au gouverneur de juger par ce qu'Allah a fait descendre. وَيَجِبُ عَلَى الرَّعِيَّةِ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et il incombe au peuple de chercher le jugement de ce qu'Allah a fait descendre dans son livre et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قَالَ تَعَالَى فِي حَقِّ الْوُلَاةِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Donc Allah dit à propos des gouverneurs, certes Allah vous ordonne de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et lorsque vous jugez entre les gens, de juger avec équité. وقال في حق الرعية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Et il dit à propos du peuple, ô vous qui avez la foi, obéissez à Allah et au messager et à ceux qui détiennent l'ordre parmi vous. Et si vous divergez dans quelque chose, alors renvoyez-le à Allah et à son messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, cela est meilleur et a une meilleure conséquence. Donc entre parenthèses, le mot ta'wil ici à la fin du verset, il signifie ta'wil bima'na ma ya'oulu ilayhi l'amr. C'est comme l'aqiba, c'est-à-dire la conséquence. C'est pas ta'wil dans le sens l'interprétation. C'est ta'wil dans le sens ce qui va arriver. Donc, ahsanu ta'wila, c'est-à-dire ça aura de meilleures conséquences si vous revenez au jugement d'Allah. Thumma bayyana annahu la yajtami'u al-imanu ma'a at-tahakumi ila ghayri ma anzala Allah. Ensuite, Allah aussi, dans un autre verset, a montré que la foi ne peut pas aller avec le fait de chercher le jugement d'autre qu'Allah. Faqala ta'ala, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Et il a cité le verset qu'on a lu ici dans le Kitab Tawhid. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent, donc Allah bien dit prétendent croire à ce qui t'a été descendu et ce qui a été descendu avant toi et qui recherchent le jugement du طاغوت. إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Jusqu'au verset qui dit non par ton Seigneur, ils n'auront pas la foi jusqu'à ce qu'ils te prennent pour juge dans leurs différends, puis qu'ils ne trouvent aucune gêne en eux-mêmes pour ce que tu auras décrété et qu'ils s'y soumettent complètement. فنفى سبحانه نفيا مؤكدا بالقسم الإيمان عمن لم يتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويرضى بحكمه ويسلم له. Donc ici Allah Azza wa Jal a renié de façon insistée et en jurant la foi de celui qui ne cherche pas le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est satisfait et qui se soumet au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. كما أنه حكم بكفر الولاة الذين لا يحكمون بما أنزل الله وبظلمهم وفسقهم. De même qu'Allah dans d'autres versets a jugé, a décrété la mécréance, l'injustice et le péché des gouverneurs qui ne jugent pas avec la loi d'Allah. فقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. Donc trois versets dans Sourate Al-Ma'ida, et celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah a descendu, ceux-là sont les mécréants. Et dans l'autre verset, ceux-là sont les injustes. Et dans l'autre verset, ceux-là sont les fasiqoun, c'est-à-dire les pécheurs. ولا بد من الحكم بما أنزل الله والتحاكم إليه في جميع موارد النزاع في الأقوال الاجتهادية بين العلماء. Il dit et il faut juger avec ce qu'Allah a descendu. Et revenir à son jugement dans tous les sujets de désaccord et dans les paroles sujettes à l'effort de réflexion entre les savants. فلا يقبل منها إلى ما دل عليه الكتاب والسنة من غير تعصب لمذهب ولا تحيز لإمام. Donc on accepte des paroles des savants que ce qui est conforme au Coran et à la Sunna, sans s'accrocher aveuglément à une école et sans s'assimiler aveuglément à un imam particulier. وفي المرافعات والخصومات وفي سائر الحقوق. Et il en est de même dans les plaintes et dans les affaires entre les gens et les différents droits des gens. فإن الإسلام كل لا يتجزأ. Car l'islam est un tout qui ne peut se diviser. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Comme Allah dit, ô vous qui croyez, rentrez dans l'islam de façon complète. وقال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. Et Allah dit, croyez-vous à une partie du livre et vous mécroyez à une autre partie. وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى أَتْبَاعِ الْمَذَاهِبِ وَالْمَنَاهِجِ الْمُعَاصِرَةِ أَنْ يَرُدُّ أَقْوَالَ أَئِمَّتِهِمْ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَمَا وَافَقَهُمَا أَخَذُوا بِهِ وَمَا خَالَفَهُمَا رَدُّوهُ دُونَ تَعَصُّبٍ أَوْ تَحَيُّزٍ. Il dit, et il convient à ceux qui suivent différentes écoles et différentes voies à notre époque de renvoyer les paroles de leurs imams au Coran et à la Sunna. Ce qui en est conforme, ils le gardent, et ce qui en est contraire, ils le rejettent sans s'attacher aveuglément à ces voies. C'est-à-dire les gens des écoles, les gens des différentes jama'ats, des différents groupes, eh bien ils doivent renvoyer les pensées ou les paroles de leurs leaders au Coran et à la Sunna. C'est pour ça que j'ai voulu vous lire la parole de Cheikh Al-Fawzan, parce que Cheikh Al-Fawzan n'y parle pas seulement de juger avec autre que la loi d'Allah dans, comme un gouverneur, etc. Mais il parle également dans la religion, dans les voies, dans le fiqh, dans tout. Il dit ensuite « Wa la siyama fi umur al-aqida » et surtout dans ce qui touche à la croyance. « Fa'inna al-a'immata rahimahumullah yusuna bithalika wa hadha madhhabuhum jami'an faman khalafa thalika falaysa muttabi'an lahum wa in intasaba ilayhim » Il dit les imams, qu'Allah leur fasse miséricorde, conseillez cela, et c'est ça leur madhhab à tous. Et celui qui contredit cela, en vérité, ne les aura pas suivis, même s'il se réclame et s'assimile à ses imams. وَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بْنِ مَرْيَمَ. Et ce genre de personnes fait partie des personnes qui sont visées par la parole d'Allah, et ils ont pris leurs savants et leurs adorateurs, comme des divinités, ainsi que Isa, le fils de Maryam, comme des divinités en dehors d'Allah. فليست الآية خاصة بالنصارى بل تتناول كل من فعل مثل فعلهم. Donc ce verset n'est pas spécifique aux chrétiens. Il englobe tout ce qu'ils font comme ils ont fait. فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه. Il dit donc celui qui contredit l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui juge entre les gens avec autre que ce qu'Allah a fait descendre, ou qui recherche cela en suivant ainsi sa passion, celui-là aura enlevé, c'est-à-dire c'est comme s'il dit, il s'est dégagé de l'islam et de la foi, même s'il prétend être un croyant. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْكَرَ عَلَى مَنْ أَرَادَ ذَلِكَ وَأَكْذَبَهُمْ فِي زَعْمِهِمُ الْإِيمَانِ فَقَالْ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ الْآيَةِ. Il dit qu'Allah Azza wa Jal a blâmé ceux qui recherchent ça et les a démentis quand ils prétendent avoir la foi. Et il a cité le verset qu'on a dit depuis tout à l'heure, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent qu'ils ont cru? C'est-à-dire, Allah a dit, ceux qui prétendent, c'est-à-dire qu'ils sont, en fait, ils mentent, ils ne sont pas croyants. Donc Allah les a démentis dans leur foi. لِمَا فِي ضِمْنِ قَوْلِهِ يَزْعُمُونَ مِنْ نَفْيِ إِيمَانِهِمْ فَإِنَّ يَزْعُمُونَ إِنَّمَا يُقَالُ غَالِبًا لِمَنِ ادَّعَى دَعْوَى وَهُوَ فِيهَا كَاذِبٌ لِمُخَالَفَتِهِ لِمُوجِبِهَا وَعَمَلِهِ بِمَا يُنَافِيهَا. Il dit car Allah a dit يزعمون. يزعمون, ils prétendent, ça renie leur foi. Car يزعمون, ça ne se dit que pour quelqu'un. Ils prétendent, ça se dit pour quelqu'un qui prétend quelque chose, mais qui en fait ment et contredit sa prétention. Parce qu'il contredit ce qu'implique sa prétention et il n'agit pas, ou plutôt il agit contrairement à ce qu'il prétend. Donc c'est pour ça qu'on dit ils prétendent. يحقق هذا قوله قد أمروا أن يكفروا به لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة. Il dit, et ce qui concrétise ça, c'est la parole d'Allah qui dit dans le même verset, alors qu'ils ont été ordonnés de mécroire à lui, c'est-à-dire de mécroire au Tawhid. Et le Cheikh dit, parce que mécroire au Tawhid, c'est le pilier du Tawhid, comme c'est dit dans le verset de Surat al-Baqarah. Donc là, il fait allusion au verset La ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy, faman yakfur bit-tawhid wa yu'min billah, faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa. Celui qui mécroit au Tawhid et qui croit en Allah, donc le sujet n'est pas juste de croire en Allah. Il faut mécroire au Tawhid, c'est une condition. Celui-là se sera saisi de l'anse la plus solide, c'est-à-dire la ilaha illallah. فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ هَذَا الرُّكْنَ لَمْ يَكُنْ مُوَحِّدًا. Il dit, et si ce pilier n'est pas présent, la personne n'est pas monothéiste. وَالتَّوْحِيدُ هُوَ أَسَاسُ الْإِيمَانِ الَّذِي تَصْلُحُ بِهِ جَمِيعُ الْأَعْمَالِ وَتَفْسُدُ بِعَدَمِهِ. Et il dit, le tawhid, c'est la base de la foi. Et tous les actes ne sont bons qu'avec ce pilier. Et tous les actes seront mauvais et ne compteront pas s'il n'y a pas ce pilier. كما أن ذلك بين في قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Comme ceci est clair dans le verset qu'on vient de dire, sur celui qui mécroit au tawhid et qui croit en Allah. ونفي الإيمان عمن لم يحكم بما أنزل الله يدل على أن تحكيم شرع الله إيمان وعقيدة. Il dit, le fait qu'Allah a renié la foi de celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah a fait descendre, ça montre que mettre en application la loi d'Allah, ça fait partie de la foi et c'est une croyance. وَعِبَادَةٌ لِلَّهِ يَجِبُ أَنْ يَدِينَ بِهَا الْمُسْلِمِ. En vérité, c'est une adoration envers Allah que le musulman doit pratiquer en tant que religion. فَلَا يُحَكَّمُ شَرْعُ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ تَحْكِيمَهُ أَصْلَحُ لِلنَّاسِ وَأَضْبَطُ لِلْأَمْنِ فَقَطْ. On n'applique pas la loi d'Allah seulement parce que le fait de l'appliquer, c'est mieux pour les gens. Ou alors parce que ça assure plus la sécurité. فَإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يُرَكِّزُ عَلَى هَذَا الْجَانِبِ وَيَنْسَ الْجَانِبَ الْأَوَّلِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ عَابَ عَلَى مَنْ يُحَكِّمُ شَرْعَ اللَّهِ لِأَجْلِ مَصْلَحَةِ نَفْسِهِ مِنْ دُونِ تَعَبُّدٍ لِلَّهِ تَعَالَى بِذَلِكَ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. Il dit car il y a des personnes qui ne se concentrent que sur cet aspect. C'est-à-dire quand ils parlent de l'application de la loi d'Allah, ils disent l'application de la loi d'Allah, c'est mieux pour les gens, c'est plus de sécurité, etc. Mais ils oublient l'aspect que d'abord c'est un ordre et que c'est une adoration envers Allah. Et Allah a blâmé celui qui applique la loi d'Allah que pour son avantage. Dans le verset qui dit et lorsqu'on les appelle à Allah et à son messager pour qu'ils jugent entre eux, certains d'entre eux se détournent. Mais si le droit leur revient, ils viennent soumis. C'est-à-dire les hypocrites, quand on les appelle au jugement d'Allah et du messager, ils se détournent. Mais quand on les appelle au jugement d'Allah dans ce qui va dans leur intérêt, là ils viennent soumis. Donc le musulman il ne doit pas être comme ça. Il doit d'abord appliquer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est la loi d'Allah azza wa jalla et c'est l'ordre d'Allah. Qala Allah ta'ala, on a dit ensuite, فَهُمْ لَا يَهْتَمُونَ إِلَّا بِمَا يَهْوُونَ وَمَا خَالَفَ هَوَاهُمْ أَعْرَضُ عَنْهُ لِأَنَّهُمْ لَا يَتَعَبَّدُونَ لِلَّهِ بِالتَّحَاكُمِ إِلَى رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Donc ces gens-là ne donnent pas d'importance si ce n'est à ce qu'ils désirent. Et ce qui est contraire à leur passion, ils s'en détournent, car ils n'adorent pas Allah en cherchant le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vous rassure, c'est bientôt fini. Et quand j'aurai fini de lire Cheikh Al-Fawzan, Kitab Tawhid, on va le lire simplement, parce que tout viendra, et la compréhension, ça va être facile. Ensuite, il dit, حُكْمُ مَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ. Le jugement de celui qui juge avec autre que la loi d'Allah. قَالَ تَعَالَى وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Donc Allah a dit, celui qui ne juge pas par ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les mécréants. وَفِي هَذِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ الْحُكْمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ كُفْرٌ وَهَذَا الْكُفْرُ طَارَةً يَكُونُ كُفْرًا أَكْبَرَ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ وَطَارَةً يَكُونُ كُفْرًا أَصْغَرَ لَا يُخْرِجُ عَنِ الْمِلَّةِ. Donc le verset nous montre que juger avec autre que la loi d'Allah, c'est du kufr. Mais parfois ça peut être du kufr qui fait sortir d'islam, parfois ça peut être du kufr qui ne fait pas sortir de l'islam, c'est-à-dire du kufr asghar, du kufr mineur. وَذَلِكَ بِحَسَبِ حَالِ الْحَاكِمِ. Et ce, selon la situation du hakim, de celui qui juge. فَإِنَّهُ إِنْ يَعْتَقَدَ أَنَّ الْحُكْمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ وَأَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِيهِ أَوْ إِسْتَهَانَ بِحُكْمِ اللَّهِ واعتقد أن غيره من القوانين والنظم الوضعية أحسن منه أو مساويا له أو أنه لا يصلح لهذا الزمان أو أراد بالحكم بغير ما أنزل الله استرضاء الكفار والمنافقين فهذا كفر أكبر. Donc il dit, si il croit, donc là on parle de croyance, si il croit que le fait de juger avec la loi d'Allah n'est pas obligatoire. Ou deuxièmement, il croit qu'il a le choix, qu'il peut le faire ou il peut ne pas le faire. Ou il méprise le jugement d'Allah. Ou il croit que autre que le jugement d'Allah, comme les constitutions, al-qawanin al-wad'iyya, c'est-à-dire les constitutions qui ont été inventées par les humains, sont mieux que le jugement d'Allah ou égal au jugement d'Allah. Ou, cinquièmement, que le jugement d'Allah n'est pas valable pour cette époque. Ou alors, il veut, par le fait de juger par autre que la loi d'Allah, satisfaire les mécréants et les hypocrites. Dans ces six cas-là, c'est du kufr akbar. Il sort de l'islam. وَإِنْ يَعْتَقَدَ وُجُوبَ الْحُكْمِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَعَلِمَهُ فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ وَعَدَلَ عَنْهُ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ مُسْتَحِقُ لِلْعُقُوبَةِ فَهَذَا عَاصٍ وَيُسَمَّ كَافِرًا كُفْرًا أَصْغَر. Et si il croit que juger avec ce qu'Allah a fait descendre est obligatoire, et qu'il connaît le jugement d'Allah dans cette affaire. Donc il parle bien ici d'une waqi'a, c'est-à-dire dans une affaire. Mais qu'il dévie de ce qu'Allah a fait descendre, tout en reconnaissant qu'il mériterait d'être puni, celui-là est simplement un pécheur, et c'est du kufr asghar, c'est de la mécréance mineure. وَإِنْ جَهِلَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهَا مَعَ بَذْلِ جُهْدِهِ وَاسْتِفْرَاغِ وُسْعِهِ فِي مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ وأخطأه فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. Et si il ignore le jugement d'Allah, donc suivez bien les différents cas. Là on a parlé de quand il sait. Maintenant il ne sait pas quel est le jugement d'Allah dans cette affaire. Et qu'il fait tout l'effort possible pour connaître le jugement d'Allah dans cette affaire, mais qu'il se trompe. Celui-là, son erreur lui sera pardonnée et il sera récompensé pour l'effort de réflexion qu'il aura fourni. وَهَذَا فِي الْحُكْمِ فِي الْقَضِيَةِ الْخَاصَّةِ. Mais ça, c'est quand il juge dans une affaire spécifique. C'est pas dans quoi? Dans le jugement général. وَأَمَّا الْحُكْمُ فِي الْقَضَيَةِ الْعَامَّةِ فَإِنَّهُ يَخْتَلِفِ. Il dit, quant au fait de juger dans les choses générales, alors cela diverge. Il dit, قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامُ بْنُ تَيْمِيَةِ فإن الحاكم إذا كان دينا لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار وإن كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار وإذا حكم بلا عدل ولا علم أولى أن يكون من أهل النار وَإِذَا حَكَمَ فِي قَضِيَّةٍ لِشَخْصٍ. Donc écoutez bien la parole d'Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa. Il dit, le hakim, donc le juge ou le gouverneur, si c'est quelqu'un qui a de la religion, qui est religieux, mais il juge sans science, il sera parmi les gens du feu. Si il a de la science, mais il juge contrairement à la vérité qu'il connaît, il sera parmi les gens du feu. Et s'il juge sans équité et sans science, celui-là encore plus, il mérite d'être parmi les gens du feu. Et ça, c'est quand il juge pour une affaire personnelle. Donc quand il juge une affaire pour une personne. وَأَمَّا إِذَا حَكَمَ حُكْمًا عَامًا فِي دِينِ الْمُسْلِمِينَ فَجَعَلَ الْحَقَّ بَاطِنًا وَالْبَاطِلَ حَقًّا وَالسُّنَّةَ بِدْعًا وَالْبِدْعَةَ سُنَّةً وَالْمَعْرُوفَ مُنْكَرًا وَالْمُنْكَرَ مَعْرُوفًا وَنَهَى عَمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ وَأَمَرَ بِمَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ فَهَذَا لَوْنٌ آخَرُ يَحْكُمُ فِيهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَإِلَهُ الْمُرْسَلِينَ مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ الَّذِي لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Et dit, quant à celui qui juge de façon générale dans la religion des musulmans, qui fait de la vérité le faux, c'est-à-dire il détourne la vérité vers le faux, et il fait du faux la vérité, il fait de la sunna l'innovation et de l'innovation la sunna, il fait du bien le mal et du mal le bien, il interdit ce qu'Allah et son messager ont ordonné, et il ordonne ce qu'Allah et son messager ont interdit, il dit celui-là c'est une autre couleur, il dit ça c'est un autre genre, qu'Allah, le Seigneur des mondes, et le Dieu des messagers, le maître du jour de la rétribution, jugera seul. Et il dit ensuite, « Lahu al-hukmu wa ilayhi turja'u » C'est à lui que revient le jugement, et c'est vers lui que vous reviendrez. Il dit ensuite le verset, « Huwa alladhi arsala rasulahu bin huda wa dinil haq, liyudhirahu ala d-din kulli wa kafa billahi shahida » C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion véridique, pour qu'il lui donne la suprématie sur toutes les religions, et Allah suffit comme témoin. وَقَالَ أَيْضًا Il dit dans un autre passage, toujours c'est qui parle ici? Ibn Taymiyyah. Donc je sais que c'est pas facile quand je lis, d'habitude je parle c'est plus facile, mais ce genre de sujet je préfère lire, déjà parce que je suis fatigué avec le jeûne, en plus c'est des sujets, quelqu'un il va me reprendre, etc. Là j'ai lu ce qui est dans le livre. وَقَالَ أَيْضًا لا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر. Il dit, et il n'y a aucun doute que celui qui ne croit pas à l'obligation de juger par ce qu'Allah a descendu sur son prophète est un mécréant. فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. Celui qui rend licite ou qui considère licite, استحل, de juger entre les gens parce que lui voit comme étant équitable, sans suivre ce qu'Allah a descendu, c'est un kafir. فَإِنَّهُ مَا مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا وَهِيَ تَأْمُرُ بِالْحُكْمِ بِالْعَدْلِ. Car tout peuple ordonne l'équité. C'est-à-dire tous les peuples, ils considèrent qu'il faut juger avec l'équité. وَقَدْ يَكُونُ الْعَدْلُ فِي دِينِهَا مَا يَرَاهُ أَكَابِرُهُمْ بَلْ كَثِيرٌ مِنَ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ يَحْكُمُونَ بِعَادَاتِهِمْ أَلَّتِي لَمْ يُنْزِلْهَا اللَّهُ كَسَوَالِيفِ الْبَادِيَةِ. Il dit, et il se peut que l'équité soit dans leur religion ce que leurs anciens considèrent, c'est-à-dire dans différents peuples, pour eux l'équité, c'est ce que disent leurs anciens. Et il dit, il y a même beaucoup de gens qui s'apparentent à l'islam. Regardez comment il dit. Il dit qu'ils s'apparentent à l'islam, qu'ils jugent par leur coutume, qu'Allah n'a pas descendu, comme Sawalif al-Badiyah, c'est-à-dire comme les lois des Bédouins, les lois des anciens des Bédouins. وكانوا الأمراء المطاعين ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر. Il dit, et ils en font, ceux-là ce sont eux les chefs à qui on obéit, et ils disent que ça c'est par ça qu'il faut juger et non pas le Coran et la Sunna. Il dit, et ça c'est ça la mécréance. فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار انتهى. Il dit, beaucoup de gens se convertissent, mais ils jugent avec les coutumes qui sont ordonnées par les gens à qui ils obéissent. Ceux-là, lorsqu'ils prennent connaissance qu'il est interdit de juger par autre que la loi d'Allah et qu'ils ne s'y attachent pas et qu'ils se rendent licite le fait de juger avec ce qui est contraire à ce qu'Allah a descendu, alors ceux-là sont des mécréants. Et voilà la fin de la parole d'Ibn Taymiyyah. Ensuite, pour finir, il cite la parole de Muhammad ibn Ibrahim, al-Sheikh, rahimahullah ta'ala, qui dit « وَأَمَّا الَّذِي قِيلَ فِيهِ أَنَّهُ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٌ إِذَا حَاكَمَ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنَّهُ عَاصٍ وَأَنَّ حُكْمَ اللَّهِ هُوَ الْحَقِّ فَهَذَا الَّذِي يَصْدُرُ مِنْهُ الْمَرَّةَ وَنَحْوَهَا وَأَمَّا الَّذِي جَعَلَ قَوَانِينَ بِتَرْتِيبٍ وَتَخْضِيعٍ فَهُوَ كُفْرٌ وَإِنْ قَالُوا أَخْطَأْنَا وَحُكْمُ الشَّرْعِ أَعْدَلُ فَهَذَا كُفْرٌ نَاقِلٌ عَنِ الْمِلَّةِ. Donc il dit, celui à propos de qui on dit kufrun duna kufr, c'est-à-dire c'est de la mécréance mineure, c'est celui qui cherche autre que le jugement d'Allah tout en croyant qu'il est désobéissant et que le jugement d'Allah est la vérité. Et celui-là, c'est celui-là dont cela ne se produira qu'une fois ou autre. C'est-à-dire que ça va être dans quelques affaires. Mais celui qui met des constitutions, qawani, bitartib, c'est-à-dire qu'il les instaure et on s'y soumet, au tardir, ça c'est de la mécréance, même s'ils disent nous nous sommes trompés et le jugement d'Allah est meilleur. C'est-à-dire celui qui en fait un jugement général, même s'il dit je reconnais que je suis pécheur et la loi d'Allah elle est meilleure, eh bien ça c'est du kufr akbar qui le sort de l'islam. ففرق رحمه الله بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر وبين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام أو غالبها. Donc l'imam Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, Sheikh al-Fawzan dit, il a fait la différence entre le jugement partiel qui ne se répète pas et le jugement général qui est une référence dans toutes les règles ou dans la majorité des règles. وقرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقا. Et il a affirmé que ça, c'est-à-dire le deuxième cas, c'est la mécréance qui fait sortir de l'islam de façon absolue, c'est-à-dire sans condition. وذلك لأن من نحى الشريعة الإسلامية وجعل القانون الوضعي بديلا منها فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن وأصلح من الشريعة. وهذا لا شك أنه كفر أكبر يخرج من الملة ويناقض التوحيد. Car il ne fait aucun doute que celui qui enlève la loi islamique et qui met à la place une constitution, c'est-à-dire inventée par les gens à la place, ça montre qu'il considère que cette constitution est mieux et plus apte que la charia. Et celui-là, il n'y a aucun doute que c'est de la grande mécréance qui fait sortir de l'islam et qui annule le tawhid. Donc comme je vous disais, ça c'est la théorie. Par contre, l'application à des individus en particulier, ça demande autre chose. Pourquoi ça demande autre chose? Parce que comme on le sait, le takfir, il a des conditions. Et il arrive que certains gouverneurs, ils se voient embellir les choses par ceux qu'ils pensent être des savants. C'est-à-dire que des savants vont leur dire, par exemple, ça fait partie de al-masalih al-mursala. C'est-à-dire ça fait partie des améliorations qu'on a le droit de faire dans l'islam. Et lui, ce juge ou ce gouverneur, à la base, il est ignorant. Et même s'il veut le bien, il va se tourner vers ces gens-là qui vont lui dire « Non, mais ça, c'est conforme au jugement d'Allah ce que tu fais. Il n'y a pas de contraire parce que ça fait partie des améliorations auxquelles l'islam appelle, etc. etc. » Ou alors, il se peut qu'il fasse des efforts pour juger avec la loi d'Allah, mais il n'y arrive pas. Et ça, par exemple, Cheikh Wasiullah Abbas, quand il était venu à Paris, nous a raconté l'histoire d'un gouverneur du Pakistan comme ça. Donc j'ai oublié son nom, un des présidents du Pakistan, qui jugeait avec le qanoun, mais il voulait mettre en place la charia, il n'y arrivait pas. Pourquoi? À cause des pressions de l'Amérique et de l'Occident. Donc il aurait voulu, mais il n'y arrivait pas. Donc est-ce que ce genre de personne, on va dire kafir? Voilà, c'est difficile. Donc c'est pour ça que là on a parlé de la théorie, mais après les cas particuliers, ça c'est autre chose. Donc on lit le chapitre pour finir. وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Ensuite il a cité un autre verset qui dit et lorsqu'on leur dit ne commettez pas le désordre sur terre, ils disent nous ne sommes que des réformateurs, مصلحون, c'est-à-dire nous ne faisons que le bien. Ce verset il parle des hypocrites. Quel rapport entre ce verset et le chapitre? C'est-à-dire qu'une des choses que les hypocrites pratiquent en prétendant faire le bien, c'est le fait de juger par autre que la loi d'Allah. Et ça, c'est très présent dans les pays musulmans, avec ceux qu'on appelle al-ilmaniyoun ou al-taghribiyoun, c'est-à-dire les laïcs ou ceux qui appellent à l'occidentalisation des pays musulmans. Eux, ils prétendent l'islam et ils prétendent le bien, C'est-à-dire, ils disent, ces lois qu'on veut ramener, etc., on veut le progrès, on veut la civilisation, etc. Mais Allah nous a bien mis en garde contre ce genre de personnes, contre ce genre de ilmaniyin, tagribiyin, etc., al-mufakirin, etc., ceux qui sont influencés par les lois autres que l'islam. Allah nous a bien mis en garde contre eux. Lorsqu'on leur dit, ne commettez pas de désordre sur terre, ils disent, nous ne sommes que des réformateurs. C'est-à-dire que ces prétentions n'empêchent pas qu'ils soient des hypocrites et ne doivent pas laisser les musulmans se faire tromper par ce genre de personnes. وَقَوْلُهُ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Et le verset qui dit, et ne commettez pas le désordre sur terre après qu'elle ait été, إِصْلَاحِهَا, comment on va traduire, après qu'elle ait été réformée, si on veut. Donc c'est le même, ce qu'on dirait sur ce verset, c'est la même chose qu'on dirait sur le verset d'avant. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Et le verset qui dit, est-ce que c'est le jugement de la jahiliya qu'ils recherchent et qui est meilleur qu'Allah dans son jugement pour des gens qui savent, ou pour des gens, pardon, qui ont la certitude. C'est-à-dire, le verset, qu'est-ce qu'on en comprend? Est-ce qu'ils cherchent le jugement de la jahiliya, c'est-à-dire tout jugement autre que le jugement de l'islam, on peut le qualifier de jugement digne de la jahiliya, hukm al-jahiliya, et qu'il convient aux musulmans non pas de chercher hukm al-jahiliya, mais de chercher hukm Allah, de chercher le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Abdullah ibn Amr anna Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Qala an-Nawawi hadithun sahih rawaynahu min kitab fi kitab al-hujjah bi isnadin sahih. Ensuite il a cité le hadith qui dit, l'un d'entre vous n'aura pas la foi tant que sa passion ne suivra pas mon message. C'est-à-dire, tout ce qu'il aime et ses penchants, tant qu'ils ne seront pas conformes à mon enseignement, sa foi ne sera pas complète. Donc ça ne veut pas dire qu'il est mécréant, mais ça veut dire que sa foi est faible. Et que le vrai croyant, c'est celui qui aime les décrets d'Allah et dont les passions sont conformes à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont décrété. Ce hadith, donc, c'est l'imam Nawawi qui dit hadith sahih. D'autres savants, comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, disent que c'est un hadith faible. Wa qala al-Sha'bi, ensuite il dit, al-Sha'bi a dit, al-Sha'bi, c'est un des imams des tabi'in, kana bayna rajulin min al-munafiqina wa rajulin min al-yahudi khusuma. Donc il y avait entre un homme parmi les hypocrites et un homme parmi les juifs, une khusuma, c'est-à-dire une dispute, un désaccord. فقال اليهودي نتحاكم الى محمد عرف انه لا ياخذ الرشوه. Donc le juif a dit, allons chercher le jugement de Mohammed, car il savait que Mohammed ne prenait pas les pots de vin, donc il voyait qu'à ce moment-là c'était à son avantage. وقال المنافق, et l'hypocrite a dit, نتحاكم الى اليهود لعلمه انهم ياخذون الرشوه. Et l'hypocrite a dit, allons chercher le jugement des juifs, car il savait que les juifs, eux, acceptaient les pots de vin. Au lieu d'aller chercher le jugement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dévié pour le jugement des juifs. فَاتَّفَقَ عَلَىٰ أَنْ يَأْتِيَ كَاهِنًا فِي جُهَيْنَا فَيَتَحَاكَمَا إِلَيْهِ فَنَزَلَتْ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ الْآيَةِ. Et donc ils se sont mis d'accord pour aller se référer à un devin de la tribu de Juhayna. Donc ça, c'était l'habitude des Arabes avant l'islam. Pour leur discorde, ils cherchaient le jugement des devins, des sorciers, etc. Donc ils se sont mis d'accord sur un devin et sont partis chez lui. Et Allah a révélé le verset, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent qu'ils croient en ce qui a été descendu sur toi? Donc le verset a été descendu sur le cas d'un homme qui se disait musulman, mais qui a cherché le jugement d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَقِيلَ نَزَلَتْ فِي رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب ابن الأشرف. Et certains d'autres savants ont dit que ce verset a été révélé à propos de deux hommes qui se sont disputés. L'un d'entre eux a dit, élevons, ou plutôt, comment on dit déjà en français, exposons notre cas à Mohammed صلى الله عليه وسلم, au prophète. Et l'autre a dit, allons plutôt vers كعب الأشرف, كعب ابن الأشرف, qui était une des têtes des juifs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثُمَّ تَرَافَعَ إِلَىٰ عُمَرْ فَذَكَرَ لَهُ أَحَدُهُمَ الْقِصَّةِ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يَرْضَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَكَذَلِكَ قَالَ نَعَمْ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ. Donc à la suite, comme ils ne se sont pas mis d'accord, ils sont partis voir Omar et lui ont expliqué le cas. Et Omar a dit à celui qui ne voulait pas aller vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est vrai? Il a dit oui, et Omar l'a tué sur le champ. Et les versets ont été révélés à ce sujet. Si vous voulez, si vous avez encore le courage, on lit l'explication de Abdurrahman ibn Qasim. De toute façon, celui qui est fatigué, il peut partir s'il veut. Parce que dedans, il cite Ibn Kathir, il cite etc. Bon, je ne vais pas être trop lourd. Juste à la fin, il dit « وَهَذِي الْقِصَّةَ رُوِيَتْ مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ فَهِيَ مَشْهُورَةٌ مُتَدَاوِلَةٌ بَيْنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ تَدَاوُلًا يُغْنِي عَنِ الْإِسْنَادِ وَفِيهَا أَنَّ الْمُنَافِقَ الْمَغْمُوسَ بِالنِّفَاقِ إِذَا أَظْهَرَ نِفَاقَهُ قُتِلَ. En fait, il dit, ici c'est quoi qui est important, Abdurrahman ibn Qasim, il dit cette histoire, elle a été rapportée de plusieurs chaînes de transmission différentes. Et elle est très connue chez les salafs et les khalafs, c'est-à-dire chez les anciens et chez les savants qui sont venus après, de sorte à ce qu'on n'a même pas besoin de savoir sa chaîne de transmission. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire sur l'authenticité de cette histoire, que ce soit l'histoire de Omar ou l'autre? En tout cas, qu'est-ce qu'on retient de l'histoire? C'est que c'était un homme parmi les musulmans et un autre qui avait une dispute. L'un a proposé le prophète, l'autre a proposé quelqu'un d'autre, et celui qui se prétendait musulman a refusé le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les versets ont été révélés. Donc cette cause sur la révélation des versets, il dit, c'est quelque chose qui est connu et qui est accepté chez les savants. Donc c'est dans ce sens-là qu'elle est acceptée, même si au niveau de la chaîne de transmission, peut-être qu'il y a une certaine faiblesse dans son authenticité. Donc on a fait 1h30, alhamdoulilah. Donc la prochaine fois, peut-être qu'on fera que Boulour al-Maram pour rattraper. Barakallahu fikum, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.